إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم وفقنا، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم أنت demande avec tes noms les plus beaux et tes attributs les plus parfaits. Allahumma facilite-nous. Allahumma facilite-nous. Ouvre-nous les portes de ta miséricorde. Ouvre-nous les portes de la science. Donne-nous une science bénéfique. Fais-nous comprendre les choses comme tu les as fait comprendre à Suleyman. Allahumma, ne nous laisse pas nos propres âmes ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, les cours qui vont suivre, on continue Inch'Allah, ils vont être parmi les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est des cours qui vont nous donner des bases au niveau de l'Iman. Et ces cours-là, si on les rate, et qu'on vient dans quelques cours après, dans trois cours, dans cinq cours après, et qu'on n'a pas suivi les bases, on ne pourra rien comprendre. C'est comme un escalier, tu dois le monter marche après marche. Donc ici, ceux qui vont profiter le plus, Inch'Allah, parmi nous, c'est qui? Ceux qui vont réécouter ces cours-là, voire prendre des notes, qui vont appliquer et qui vont transmettre. En fait, ceux qui vont vivre avec ces cours. Car comme je le dis et je me répète, la répétition est la mère de l'apprentissage. Ici, nous, on fait toujours deux choses, Inch'Allah. La première chose, c'est d'apprendre notre religion. Et de notre religion, c'est d'apprendre du témoignage de foi, la ilaha illallah, pour nous éloigner du shirk. Et d'apprendre du témoignage de foi, Mohammed Rasulullah, pour nous éloigner de toute innovation. Donc, on va voir, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal. Aujourd'hui, la définition de la foi, la définition de l'Iman dans la langue arabe. Et donc, comme je vous ai dit, on ne dira plus foi ni croyance, car c'est des termes qui ne sont pas appropriés. On dira simplement Iman. Et on va voir pourquoi après. Donc, Abdelrahman Saadi, rahimahullah, quand il a fait ce livre, on a dit qu'il n'a pas fait ce livre pour des étudiants en sciences religieuses, mais il a fait ce livre pour les gens du commun. Sauf que ce qu'on fait, nous, c'est l'explication du sharh, l'explication du livre d'Abdurrahman Saadi, c'est-à-dire le sharh, le commentaire qui a été fait par Abdullah ibn Abdurrahman al-Jarboua. Et lui, son sharh, il l'a fait pour des étudiants en sciences religieuses. Donc il est rentré dans beaucoup de détails. Et donc le sharh, il rappelle une règle de fiqh, et il dit que le fait de donner un jugement sur une chose est le résultat de la bonne compréhension de cette chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner un jugement sur une chose avant d'avoir cerné et d'avoir compris cette chose-là. Une fois que tu l'as comprise, tu peux donner un jugement. Donc il a rappelé cette règle de fiqh, d'accord? Et Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre son Coran dans une langue arabe claire qui est facile en compréhension. Donc ici je disais que Ibn al-Qayyim dit, en parlant du verset 55 dans la sourate 6, alors je lui dis وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِنَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est ainsi que nous clarifions les signes pour que la voie des criminels soit claire. Donc Ibn al-Qayyim dit en commentaire de ce verset que certes, Allah et son prophète ont montré la voie des criminels ainsi que ce qui les attend comme châtiment de manière détaillée. Et il a aussi montré Allah et son prophète, ils ont aussi montré la voie des croyants et le détail de cette voie et ce qui les attend comme récompense. Après, il dit Ibn al-Qayyim, et les ambiguïtés apparaissent pour une personne qui a un manque de science sur une de ces deux voies, voire sur les deux voies. C'est-à-dire que cette personne ne connaît pas soit la voie des criminels, soit la voie des croyants. Car comme on disait, les choses se distinguent par leur contraire. On a connu le jour par la nuit par le jour, la santé par la maladie par la santé. D'accord? Donc après, il dit Ibn al-Qayyim, comme une personne qui voudrait se rendre dans un endroit donné. Cette personne, si elle connaît le chemin et la route qui l'amène à son objectif, et qui connaît aussi les chemins qui ne l'amènent pas, bi-idhnillah, elle trouvera son chemin. D'accord? Après, Ibn al-Qayyim, il dit, et les compagnons ont dépassé toutes les générations qui sont venues après, dans le sens où ils sont sortis des ténèbres complètes, des ténèbres de la mécréance, des ténèbres de l'ignorance, vers la lumière du tawhid, vers la lumière de la connaissance. Donc, ils ont connu la voie de la mécréance et la voie de l'ignorance, et ils ont connu aussi la voie du tawhid, et ils ont connu la science utile. D'accord? Donc ici, nous, on a dit, bi-idhnillah, on est en train de réaliser le premier pas, c'est-à-dire d'apprendre et de comprendre c'est quoi l'iman et comment il fonctionne. Et on est en train de réaliser ça en premier pour nous, pour pouvoir l'appliquer ensuite dans nos vies, et aussi pour pouvoir savoir ce qu'Allah nous demande, comment agir, et pour pouvoir savoir aussi qui est qui. Puisqu'Allah lui t'a demandé de prendre les musulmans en alliés, et il t'a demandé de te désavouer des mécréants. Et ici, cela ne peut pas se faire sans une compréhension correcte de l'iman. Donc c'est pour ça que les rappels qui vont venir aujourd'hui et les prochains, c'est une base importante. Si la personne vient après ces bases et écoute d'autres cours, elle ne pourra pas comprendre. Elle serait comme une personne qui arrive et qui regarde un film. Elle arrive au milieu du film. Et tout d'un coup, cette personne, elle voit quoi? Qu'il y a une personne qui tire sur un autre. Et elle dit, mais pourquoi un tel a tué un tel? Or, si cette personne avait regardé le début du film, elle aurait compris que cette personne qui a été tuée, elle a d'abord tué la famille de l'autre, et c'est que justice qu'elle se fasse tuer aussi. C'est juste un exemple pour comprendre ce qu'on veut dire. D'accord? Donc ici, par rapport à la langue arabe, on dit qu'aujourd'hui, inshallah bidnillah, on va comprendre le mot iman dans la langue arabe. On a dit qu'Allah, il a fait descendre son livre dans une langue arabe claire. Et au niveau de l'iman, il y a deux erreurs qui sont faites au niveau des groupes qui se sont égarés par rapport à la compréhension de l'iman. D'accord? La première erreur, c'est de dire que le sens linguistique est le même que le sens shar'i, est le même que le sens religieux. D'accord? Ils disent que le mot iman dans le sens de la langue arabe, c'est le même sens que l'iman dans le sens législatif, dans le sens religieux. À savoir que quand vous lisez un livre de l'Aqida, par exemple, ou un livre de Usul Fiqh, quand vous lisez des livres de science, vous allez remarquer qu'en général, les savants, ils définissent toujours le mot dans le sens de la langue arabe, et après, ils définissent le mot aussi dans le sens religieux. Donc, les gens qui se sont égarés au niveau de l'hymen, on a dit, ils font deux erreurs. La première chose, c'est de dire que le mot l'hymen, dans son sens linguistique, il est équivalent au mot hymen dans son sens législatif, dans son sens religieux. Et comme on va le voir, cette première chose, elle est fausse. Deuxième chose, ils disent aussi que l'hymen, c'est juste et tasdir. C'est-à-dire le fait de croire en la véracité d'une chose. Ibn Taymiyyah, dans son livre Kitab al-Iman, il a répondu et il a démontré que les Arabes connaissent et emploient le mot iman pour d'autres sens. D'accord? Donc on va voir déjà le sens linguistique. D'où est tiré le mot iman? Le mot iman, il est tiré de al-amn. Al-amn, c'est-à-dire le fait d'être en sécurité. Par exemple, alors je lui dis, A'amintum man fis sama an yursila alaykum hasiba. Est-ce que vous êtes à l'abri? Est-ce que vous êtes en sécurité que celui qui est au-dessus des cieux? D'accord? Donc le mot iman, il est tiré de Al-Amn, qui est la sécurité. Quand vous allez dans les pays arabes, vous voyez, ils appellent la police quoi? Ils appellent la police, ou ils appellent ça Rijal Al-Amn, les gens de la sécurité. D'accord? Donc l'origine du mot Imen, c'est, il est tiré de Al-Amn, le fait de se sentir en sécurité. Ce qui est connu chez les savants et chez beaucoup d'étudiants religieuses, c'est qu'ils définissent le mot Imen comme étant at-tasdiq. D'accord? Donc comme a dit Ibn Taymiyyah, ou deux personnes qui ont revérifié cela, al-muhaqqiqoun, c'est-à-dire ceux qui sont précis, ils ont dit que le mot at-tasdiq, barakallahu fik pour le verset, êtes-vous à l'abri, celui qui est au ciel vous entre sous la terre. Ici, est-ce que vous êtes à l'abri? Est-ce que vous êtes en sécurité? D'accord? Amintum, est-ce que vous êtes en sécurité? Ou est-ce que vous êtes à l'abri que celui qui est au ciel vous envoie nos rangs, nos pierres? Donc on a dit que le mot amn, imen, il est tiré du mot amn, c'est-à-dire la sécurité. On a dit que les savants, et beaucoup d'étudiants en sciences religieuses, beaucoup de savants, ont dit que l'imen, ils ont défini l'imen, on parle dans le sens de la langue arabe, comme étant at-tasdiq. D'accord? Comme il a dit Ibn Taymiyyah et d'autres, ils ont dit que ici, l'imen, définir l'imen par tasdir, c'est pas suffisant et c'est pas précis. D'accord? C'est comme par exemple, tu as une maison et tu vas dire dans une maison, chez toi, il y a un plafond. Ou tu vas dire dans ta maison, il y a une cuisine. Ou tu vas dire dans ta maison, il y a une salle de bain. Ici, tu as défini juste une chose de ta maison, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose dans ta maison. D'accord? Il peut y avoir, dans ta maison, il y a des murs, il y a d'autres pièces. D'accord? Donc ici, quelles sont leurs preuves pour montrer que définir l'imen par tasdir, par juste le fait que c'est croire en la véracité d'une chose, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ils ont deux grandes preuves pour ça. La première, c'est comme on l'a dit, d'où est tiré l'imen? Allah, je lui dis dans la sourate Yusuf, Allah, je lui dis quoi? Et donc ici, tu ne seras pas mu'min de nous, même si on vient avec la vérité. Ici, dans beaucoup d'explications du Coran, quand vous regardez ce qu'il a été dit par rapport à mu'min, il dit souvent, et tu ne seras pas, tu ne nous croiras pas. Sauf que, comme l'a dit Rarib al-Asfahani dans son livre Les mots étranges du Coran, il a dit quoi? Il a dit, sauf que ce qui est connu de l'Imen, c'est quoi? C'est le tasdir dans lequel il y a de la sécurité. Donc c'est du tasdir plus de Ham. Ici, regardez l'histoire au niveau des frères de Youssef, alayhi salam. Quand ils sont venus avec un qamis taché d'un faux sang, et ils sont venus voir Yaqub alayhi salam, ils ont dit, tu ne vas pas, donc ici on peut le mot en français, tu ne vas pas nous croire, même si on dit la vérité. Pourquoi? C'est quoi le secret de ça? Parce qu'ils n'avaient pas de preuves pour appuyer leurs prétentions, c'est-à-dire leurs prétentions que Youssef alayhi salam, il s'est fait manger par le loup, eux, ils n'avaient pas assez de preuves. Si on revient ici, au début de la sourate, déjà, ils sont venus avec un qamis sur lequel il y avait du faux sang. Et le faux sang, tu le distingues par rapport au vrai sang. De même que, au début de la sourate, Youssef alayhi salam, il a dit à son père, il a expliqué qu'il avait vu 11 étoiles se prosterner devant lui. D'accord? Et son père lui a dit, non, ne dis rien à tes frères, car Shaitan va mettre la discorde entre vous. Donc ici, et peut-être aussi que Yaqub alayhi salam, il connaissait ses enfants. Donc ici, eux, ils ne sont pas venus avec des preuves qui pouvaient aller dans le sens de leurs prétentions ou de leur dire. C'est-à-dire que Youssouf était mort. D'accord? Donc on a dit ici, la plupart qui vont expliquer ici, wama anta bi mu'minin, wama anta bi mu'minin, ils vont expliquer bi mu'minin par bi musaddiq. C'est-à-dire, toi, tu ne croiras pas. Et on a dit que ici, d'autres ont dit que c'était pas assez précis. Et ils ont dit ici, el-Imen, donc ils ont voulu expliquer l'Imen, ils ont dit el-Imen, c'est el-Tasdir, c'est-à-dire le fait de croire en quelque chose, mais tout en rajoutant à cela, le fait de croire, tout en rajoutant au fait que tu as de la sécurité. Car comme il dit Ibn Taymiyyah, el-Imen, donc se dit pour une information dans laquelle tu te sens en sécurité. Donc, si le mot hymen doit être défini dans la langue arabe, il doit donner ces deux sens, c'est-à-dire le fait de se sentir en sécurité et le fait que tu viennes avec une vérité, le fait de croire une chose et le fait de se sentir en sécurité. Donc, répondre aussi les gens qui connaissent vraiment la langue arabe et qui sont forts, et les Arabes utilisaient le mot hymen avec ces significations dont on vient de parler. C'est-à-dire que ceux qui disent que les Arabes ne connaissaient du mot hymen que le sens atasdir, donc atasdir, comme je le répète, c'est croire qu'une chose est vraie. D'accord? Donc ils disent en fait, non, les Arabes connaissaient le mot hymen avec d'autres sens. Ici, l'auteur de Lisan al-Arab, donc le dictionnaire, d'accord, qui est connu, il dit al-iman al-thiqatu. Il dit al-iman, c'est la confiance. La confiance en quoi? La confiance en une information et ou un informateur. D'accord? La confiance en une information, donc on te dit une information et tu as confiance en cette information, ou un informateur et tu as confiance aussi à l'informateur. Donc aux deux, les deux sont importants. D'accord? Ici, c'est quoi la différence et c'est quoi la subtilité entre dire la confiance en information et en informateur et juste dire le fait de croire? Ici, la subtilité, c'est que tu peux croire en une personne sans être apaisé, sans avoir confiance. D'accord? Ici, dans l'histoire qui est connue, avec Abu Huraira, quand il allait et qu'il a rencontré 3 fois de suite, il a rencontré un djinn. Et le djinn, à chaque fois, Abu Huraira a voulu le prendre et l'a mis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le djinn, il lui a dit quoi? Il lui a dit à la fin, il lui a dit, je vais t'enseigner une chose qui peut te protéger de nous. Et il lui a enseigné l'ayat kursi. Et quand Abu Huraira, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté l'histoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit, il t'a dit la vérité, le menteur. Il t'a dit la vérité, le menteur. C'est-à-dire, le fait qu'il lui ait dit que Ayat Kursi nous protège des djinns, c'est une vérité. Mais le menteur, c'est que en général, ce djinn-là, il dit des mensonges. D'accord? Donc ici, on peut croire une personne sans être en confiance, sans avoir confiance en elle. D'accord? Parce qu'une personne peut dire la vérité, mais tu n'as pas confiance en elle pour le mal que tu connais de cette personne. D'accord? Donc, il faut ici, le terme hymen, il doit absolument réunir ces deux notions qui sont le fait de croire une chose et le fait d'être apaisé, le fait d'être rassuré, le fait d'être confiant. D'accord? Donc, de même que l'auteur d'un dictionnaire aussi connu, on lui a demandé c'est quoi l'hymen, il a dit l'hymen c'est al-thiqatu, le fait d'avoir confiance, et il a dit le fait de montrer l'humilité pour l'information ou pour l'informateur. D'accord? Pour l'information ou pour l'informateur. Comme l'a dit aussi Al-Khalil Ibn Ahmed, il a dit Al-Iman, c'est quoi? C'est At-Tumanina, le fait d'être apaisé. Le fait d'être apaisé. Donc si on résume ici, on voit que dans la langue arabe, au niveau du sens du mot hymen, il faut absolument que le mot hymen, il vienne avec ces deux notions qui sont le fait de croire et aussi le fait d'être rassuré. Le fait de croire tout seul, on a vu, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait ces deux notions. Et donc le mot tasdir, lui, il veut juste dire le fait de croire. Il n'y a pas de notion d'apaisement, ni le fait de se sentir en sécurité. D'accord? Et on a dit que le mot hymen, il est tiré de al-amn, qui veut dire la sécurité. Donc forcément, il faut qu'on retrouve cette notion. Et le mot hymen, donc, il était compris comme ça, et les gens l'employaient aussi quand ils parlaient. Les gens, quand ils parlaient, ils l'employaient avec ces deux sens. Avec ces deux sens. Ici, on va donner des preuves de ce qu'on a dit. La preuve qu'on va donner, c'est la situation d'Abu Talib. Abu Talib, comme on sait, il a passé sa vie à défendre l'islam et il est mort dans la mécréance. D'accord? Et Abu Talib, il disait notamment dans ses poèmes, regardez, dans un de ses poèmes, il disait quoi? Et certes, ils savent que notre enfant ne fait pas partie des menteurs. Ici, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de blâmer ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un menteur. Donc il dit quoi? Et certes, ils savent, donc ces gens-là qui renient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que notre enfant ne fait pas partie des menteurs. Il disait dans un autre de ses vers aussi, ne savez-vous pas que nous avons trouvé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, prophète, comme nous avons trouvé Moussa? Donc regardez ici, il croit en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Et il croit en la prophétie aussi de Moussa. J'ai fait exprès d'employer en français le mot croire, d'accord? Juste il croit, il a le tasdir, d'accord? Mais il n'a pas été apaisé. Et son cœur, il n'a pas aimé cette information. Il n'a pas aimé cet informateur du sens religieux. Lui, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas d'un amour religieux. Pas d'un amour parce que c'est le prophète. Pas d'un amour parce que c'est un prophète. D'accord? Donc ici, on va donner un exemple, inchallah, pour que la chose soit plus claire. Supposons qu'un frère vienne te voir et il te dit, prête-moi 100 euros. Toi, alhamdoulilah, tu as l'argent dans ton compte. Mais ce frère, tu le connais pour son manque de sérieux. Tu lui as déjà prêté de l'argent, il t'a pas rendu, il vient pas au rendez-vous. Et les frères aussi le connaissent pour ça. Il est connu pour son manque de sérieux. D'accord? Ici, il te dit quoi? Il te dit, Wallahi, tu sais, j'ai changé et maintenant, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Et prête-moi cet argent, Inch'Allah, bi-idhnillah, je vais te le rendre tel jour, tel jour. Ici, toi, tu as plusieurs possibilités. Soit tu vas lui prêter, soit tu ne vas pas lui prêter. Dans tous les cas, toi, tu décides de lui prêter. Est-ce que quand tu vas lui prêter ici les 100 euros, est-ce que tu es rassuré quant au fait qu'il va te les rendre? Non, tu n'es pas rassuré. Pourquoi tu n'es pas rassuré? Parce que ici, son comportement passé et son manque de sérieux fait que tu n'es pas apaisé. Donc ici, tu peux le croire sur le moment et dire que vraiment, peut-être, il va vraiment changer. D'accord? Mais tu ne seras pas rassuré pour ce que tu as connu de cette personne comme manquement et comme fait que cette personne n'était pas sérieuse. Donc tu peux te dire, bon, peut-être ce frère-là, il va changer. Mais tu seras dans le doute. Tu seras dans le doute. Donc ici, dans le mot, dans la langue arabe, on va pas dire que tu as eu l'hymen de sa parole qui est je vais te rendre l'argent. Tu n'as pas l'hymen. Tu as le tasdir, d'accord? Tu crois comme ça, mais tu n'es pas apaisé. Parce qu'on a dit que le mot hymen, il doit retrouver ces deux notions qui sont le fait de croire la personne, mais aussi le fait d'être rassuré. Or ici, comme cette personne, elle s'est mal comportée avant, tu veux bien essayer de la croire, mais tu n'es pas rassuré. Je vous ai donné la première personne, d'accord? J'ai oublié de faire la deuxième partie. C'est quoi la deuxième partie? C'est là la personne, un frère, quand tu lui prêtes quelque chose, il te le rend toujours. Il est connu pour son amana, il est connu pour son sens du dépôt, il est connu pour son bon caractère, d'accord? Il est connu par tout le monde. Et toi-même, tu as vu ça chez lui. Et il vient, et toujours tu as de l'argent, et il te demande 100 euros. Ici, quand tu lui passes les 100 euros, toi, t'es apaisé qu'il te les rende. Tu as l'iqrar, tu as l'hymen. Pourquoi? Parce que quand il dit, Akhi, j'ai besoin de 100 euros, je te les rends, Inch'Allah, dans 2 semaines. Tu vas être apaisé parce que tu sais que cette personne, elle est sérieuse, et tu sais que cette personne, elle t'a montré toujours du bien. Donc, tu es apaisé parce qu'elle t'a montré de bon chez elle, de choses bonnes chez elle. On a dit, contrairement au premier, qui lui ne tient jamais ses engagements, tu ne vas pas être apaisé. Donc tu n'auras pas l'hymen. Quand le premier qui ne tient pas ses engagements, il va dire, prête-moi 100 euros, je te les rends dans 15 jours. Peut-être tu vas lui prêter, mais tu vas te dire peut-être que mon argent, je ne le reverrai pas. Donc ici, tu n'auras pas l'iqra, tu n'auras pas l'hymen. Tu auras le tasdir si tu l'as donné, parce que tu as cru un peu, mais tu as douté, tu n'es pas sûr. Parce que si tu es sûr qu'il ne te les rend pas, tu ne vas pas le donner. Donc tu as le tasdir, tu crois, mais t'es pas apaisé, tu as des doutes. Et donc ici, t'as pas l'hymen pour l'information. D'accord? Et si on comprend ici la grande utilité et le secret de la science. Quand Allah lui dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an « Walau kana min indi ghayri illahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira » Quand Allah il dit « Ne médite-t-il pas sur le Qur'an « Certes, s'il venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient des contradictions. » Comme Allah il est parfait, Allah jamais va se tromper. Et comme Allah il est parfait, Allah jamais va faire de contradictions. Donc ici, le fait que tu étudies et que tu cherches la science, tu vas te rendre compte que non seulement il n'y a pas de contradiction, ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique, mais bien au contraire, tu vas te rendre compte que tout marche ensemble comme un puzzle. Et ici, le fait que tu vas te rendre compte de ça, ton iman il va augmenter. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que Allah Azzawajal il est parfait. Donc ici on a dit l'iman, c'est croire soit en informateur, soit et ou en une information. D'accord? Si un informateur te donne une nouvelle, tu dois croire en l'informateur et en l'information. Ici, c'est quand il s'agit d'Allah, tu dois croire en l'informateur et en l'information. Et c'est pour ça que le doute sur les six piliers de l'islam, il n'est pas permis sur la base de six piliers. Sur la croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux prophètes, la croyance aux livres, la croyance au jour du jugement dernier et la croyance en la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui nous a informé de ces choses-là et toute personne qui doute ici, il n'a plus l'iman. Donc, ici, pour qu'elle ait l'iman, il faut qu'elle ait quoi? Il faut qu'elle croie que tout ce qu'Allah nous a informé sur ces six piliers est vrai et il faut qu'elle soit rassurée et apaisée. Et en même temps, il faut qu'il n'y ait aucun doute qui soit permis. Donc on est en train de dire que, ici, la situation d'Abu Talib, qui lui croyait, il croyait que le prophète, il savait que c'était un prophète, d'accord? Mais simplement, dans son cœur, il n'était pas apaisé. Et dans son cœur, il n'a pas aimé l'islam. Il n'a pas eu la sécurité. Donc ici, les gens qui disent que l'iman, c'est juste à se dire, ils tombent dans une contradiction. Dans une grande contradiction. C'est quoi cette contradiction? C'est qu'ils sont obligés d'admettre, dans ce cas-là, que juste au niveau, au moins, dans le sens de la langue arabe, on doit dire que Abu Talib, il était mu'min. Il était croyant. On doit dire ça au moins dans la langue arabe si on suit leurs erreurs. Et ça, personne ne l'a jamais dit. D'accord? Il y a aussi la situation de beaucoup de Quraysh qui sont morts dans la mécréance, qui eux aussi, comme Abu Talib, étaient convaincus de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jalla dit, dans le Coran, et certes, ils ne te demandent pas, mais les injustes renient les signes d'Allah. Donc Allah ici, dans ce verset, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces gens-là, ne pensent pas que c'est un menteur. Ces gens-là, ils pensent pas que le prophète Sassoum, c'est un menteur. Mais juste, ils renient juste les signes d'Allah. D'accord? C'est comme un jour à Abu Jahl, il était, je crois, avec son neveu, et ils étaient que tous les deux. Et son neveu lui dit, oh oncle, lui dit, Aram, est-ce que tu doutes sur le prophète Sassoum? Tu doutes que c'est un prophète? Et regardez ce qu'il lui a dit à Abu Jahl. Il lui a dit quoi? Il lui a dit non. On doute pas. Je sais que c'est un prophète. Il lui dit, mais nous, on s'est donné tant de mal pour avoir les clés de la Mecque, c'est-à-dire pour avoir le pouvoir à la Mecque, et tu crois que maintenant on va lui laisser? On va pas lui laisser. Donc, il savait, d'accord? Donc, ici, on est en train encore d'expliquer et de répéter pour que ça rentre bien, Inch'Allah, que Abu Talib et beaucoup de Quraysh qui sont morts dans la mécréance savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique. D'accord? Et ils le croyaient. Mais ils n'ont pas rajouté à cette croyance des actes du cœur, comme l'apaisement. La deuxième chose sur laquelle on peut s'appuyer pour prouver nos dires, c'est la situation tout simplement des juifs. D'accord? La situation des juifs. Allah Azza wa Jalla dit à propos d'eux dans le Coran, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ceux à qui nous avons donné le livre, il y en a parmi les juifs, connaissent le prophète comme ils connaissent leur propre enfant. D'accord? Ceux à qui nous avons donné le livre connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leur propre enfant. En effet, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam était détaillée dans la Torah. D'accord? Et quand les juifs ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu qu'il correspondait à tout point en la description qui était présente dans la Torah. Et comme Allah Azzawajal les a éprouvés et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu chez eux, d'accord? Ils n'ont pas cru. C'est pas ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté la croyance. Donc ils n'ont pas eu l'hymen. Alors qu'en vérité, ils croyaient. Ils savaient qu'il était véridique, d'accord? Mais ils n'ont pas eu l'hymen. Ils ont juste le tasdir. Ils ont cru que c'était, ils savent que c'est un prophète. Et ils connaissent la description, d'accord? C'est pour ça que le compagnon juif qui s'était converti, yani, je crois que c'est Abdullah ibn Salam, quand il s'est converti, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, ô messager d'Allah, demande aux juifs ce qu'ils pensent sur moi. Mais sans lui dire, bien sûr, sans dire aux juifs qu'il s'était converti. Donc lui, le compagnon, il s'est caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les juifs, il leur a demandé, que dites-vous sur un tel? En parlant du compagnon juif qui s'était converti à l'islam. Donc les juifs, ils ont dit quoi? Ils ont dit, lui, c'est le meilleur d'entre nous, plus savant d'entre nous. Et ils ont donné des bons qualificatifs pour ce compagnon, radiallahu anhu. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et si, que dites-vous si je vous disais qu'il s'est converti à l'islam? Eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais jamais il va faire ça. Après, le compagnon, il est sorti, et il leur a dit, vous savez que c'est un prophète. Il leur montrait qu'il était musulman. Et eux, ils ont fait quoi? Ils ont tourné le dos directement, et ils ont dit le contraire de ce qu'ils venaient de dire. Ils ont dit, lui, c'est le plus mauvais d'entre nous, le plus ignorant d'entre nous. Tout de suite, ils ont tourné le dos. D'accord? Donc ici, c'est quoi la situation des Juifs? C'est qu'ils connaissent le prophète comme ils connaissent leur propre enfant. Est-ce que quelqu'un va douter sur son enfant? Non. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu chez eux, d'accord? Eh bien, ils l'ont rejeté. D'accord? Donc, ils n'ont pas l'hymen. Parce qu'on dit que l'hymen, il faut que ces deux notions soient présentes. C'est-à-dire de croire simplement, ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter à ta croyance le fait d'être en sécurité, le fait d'être en confiance et le fait d'être apaisé. Et la situation aussi d'Iblis nous montre aussi Iblis. Il connaît la vérité. Et Iblis, le fait qu'il ait annulé son hymen, il a pas dit, moi je ne crois plus. Lui, il a refusé un ordre. Il n'a pas dit, je ne crois plus, il a refusé de se prosterner. Donc si on dit que l'hymen, c'est juste tasdir, c'est-à-dire le fait de croire qu'Allah, il est le seul digne d'être adoré, et qu'Allah, dans la religion, c'est l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète, si on dit que c'est ça, Iblis, comment il aurait annulé son islam? Il peut pas. Il croit toujours en ça. Ça, il l'a pas enlevé de son cœur. Mais, simplement, il a refusé de se prosterner. D'accord? Donc ici, quel est le mot le plus approprié? Comme il dit Ibn Taymiyyah, pour définir l'hymen, à part le tasdir, qu'on a vu que le tasdir, même si c'est la base, c'est pas suffisant. Donc Ibn Taymiyyah, il dit, il donne un mot plus approprié pour définir l'hymen, et il dit, c'est el-iqrar. El-iqrar. El-iqrar, c'est un mot qui comprend. On va dire comme en français, on peut dire le fait d'être ferme, le fait de prendre l'engagement, le fait d'être d'avoir la sécurité, le fait d'être apaisé. Tous ces sens-là, le mot iqra, il les a. Donc ici, si on regarde au niveau de l'iqra, il a le tasdir, d'accord? Et il a aussi le fait d'être apaisé. Donc il a les deux choses dont on a parlé. Et qui sont une condition pour définir l'hymen dans la langue arabe, et on doit retrouver ces deux choses-là. Donc, al-iqrar, ça vient de qarra yuqirru qararan. Yani, idha thabata thubutan jamida. Quand quelque chose tient vraiment ferme, on dit quoi? Quand quelque chose est ferme, on dit al-iqrar. Comme disait le poète, Wala qarara ala zahrin min al-asadi. Il veut dire quoi? Il veut dire, il n'y a pas de qarara. Donc ici, on dit quoi? Le fait d'être en sécurité. Il n'y a pas de qarara, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de confiance quand le lion est en train de rugir à tes côtés. Si on entend un lion rugir à côté de nous, on ne va pas être apaisé. On va pas être apaisé. On va avoir peur. D'accord? Donc, l'iqrar, donc on a dit parmi ses sens, c'est le fait d'être ferme, d'accord? C'est le fait d'être en sécurité et c'est le fait d'être apaisé. Et ici, le mot hymen, il donne tous ses sens. Le croyant, quand il a réalisé l'hymen, Il est ferme comme une montagne, il ne bouge pas. Le croyant, quand il a réalisé l'iman, il a la sécurité. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Regardez comme Allah dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas habillé leur foi par de l'injustice du shirk, ceux-là ils ont quoi? Ulaika lahumul amn, ceux-là ils ont la sécurité et ceux-là ils sont bien guidés. Donc l'iman, quand on le réalise, là on est en train de l'apprendre inchallah, donc quand on le réalise, il nous donne ces sens-là. Et ces sens-là, tu les sens dans ton cœur. Il te donne le fait de quoi? Le fait d'être renformé, le fait d'être renforcé, pardon, al-thabat, le fait d'être ferme. C'est pour ça, si on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la vie des prophètes, et la vie des compagnons, on voit qu'ils ne bougeaient pas, ils étaient fermes. Ils étaient fermes, pourquoi? Parce que leur iman était fort, d'accord? Toutes les notions dont on parle ici, c'était fort dans leur cœur. De même qu'ils étaient en sécurité. Le prophète Sassoum, il a dit quoi à Abu Bakr quand ils étaient dans la grotte ensemble? Ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. D'accord? Donc ils avaient la sécurité, ils avaient la tranquillité, ils avaient l'apaisement. Donc on a dit ici, on va ramener au niveau de l'Iqrar des preuves dans le Coran. Alors il a dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, dans le verset 84, alors je lui dis quoi? وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris de vous l'engagement de ne pas verser du sang par le meurtre, ni d'expulser les uns les autres, vous y avez souscrit. Ici, regardez la traduction qui est mieux, c'est vous y êtes engagé. Vous vous y êtes engagé. Vous avez pris la résolution. Parce que dans le sens de l'iqrar, il y a le sens de pacte. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ahd baynana wa baynakum as-salat, fa man tarakaha faqad kafara. Le ahd, le pacte entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a certes mécru. Donc parmi les sens du mot, al-iqrar, c'est aussi l'engagement. D'accord? Donc ici, si on fait un résumé de tout ce qu'on a vu et de ce qu'on a dit aujourd'hui, on a vu que le tasdir tout seul dans la langue arabe pour définir iman, il n'est pas suffisant, même si c'est la base. Puisque la base, c'est d'abord de croire en information, et ensuite, une fois que tu as cru à cette information, d'être apaisé sur cette information. On a dit que ici, cet iman dont on parle, l'iman dont on parle, il doit être pour l'informateur et pour l'information. D'accord? Les deux sont importants. C'est-à-dire que pour avoir l'iman, tu dois croire l'informateur, croire l'information et être apaisé. Toutes ces choses-là doivent être réunies. S'il en manque une, tu n'as plus l'iman. Et s'il reste que le tasdir, alors tu n'as pas l'iman, car le tasdir tout seul n'est pas suffisant. Donc on a dit qu'il y a le mot, on a vu les preuves dans la langue arabe. On a dit que le mot iman, il sortait du mot am, qui veut dire sécurité. Et on a vu aussi que les Arabes utilisaient ce mot dans des sens où il y avait la confiance, où il y avait l'apaisement. On a rappelé aussi les définitions dans les scènes arabes et dans d'autres, on a donné d'autres témoins. On a vu que le terme le plus proche, donc, pour définir iman, c'était l'iqrar, comme il a dit Ibn Taymiyyah, d'accord? Et on a dit donc qu'il est important que dans l'iman, que les deux notions soient présentes, à savoir le fait de croire et le fait d'être apaisé. Ici, si on a bien compris ces choses-là, quand on va après avancer dans la définition de l'iman, donc chez les salafs, à savoir que c'est qawlun wa amal, que c'est des paroles et des actes, et quand on va avancer sur les autres sujets de sourate Ibrahim, quand on va expliquer le verset dans sourate Ibrahim, n'as-tu pas vu comment Allah a donné en exemple une bonne parole comme un bon arbre, dont la base est ferme, et bien ici on pourra mieux le comprendre. D'accord? Sécurité, c'est amn. Alif, mim, nun. Amn. Amn. La sécurité, c'est amn. D'accord? Donc, Inch'Allah, si vous avez des questions, Inch'Allah, et si je peux répondre, Inch'Allah, on y répond. Inch'Allah, on verra quoi la prochaine fois? On verra l'iman, comment les salafs l'ont défini, et c'est quoi l'iman. D'accord? Et on demande à Allah Azul, avec ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs, qu'il nous fasse comprendre l'iman, qu'il nous fasse aimer l'iman, qu'il nous fasse appliquer l'iman. Et juste aussi, comme je vous disais, par rapport aux actes, Faites des actes, n'oubliez pas les actes. Je vous avais dit la semaine dernière, concentrez-vous sur la prière pour avoir de la concentration en prière. Donc la prière a son temps. Et pour les frères, la prière du Fajr à la mosquée, et essayez de se concentrer sur la prière. La deuxième chose, sur le Coran, essayez de lire des tafsirs, essayez de lire le Coran aussi tous les jours. Et la troisième chose, c'est de ne pas perdre son temps, car le temps il passe vite. Et le fait de ne pas perdre ton temps, ça va permettre, inch'Allah, de sortir de l'insouciance parce que tu vas te rendre compte de l'importance du temps. D'accord? Et je répète, et je répète, je répète à chaque fois qu'on doit agir. Pourquoi? C'est pour nous motiver. S'il y en a parmi nous, alhamdoulilah, qui agissent, qui sont sortis de l'insouciance, eh ben alors qu'ils fassent profiter les autres. Et si on est encore insouciant à ça, eh ben inch'Allah, on répète jusqu'à qu'on sorte de l'insouciance. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa barakallahu fikum. Juste la question, donc la définition linguistique de l'iman, c'est croire, qui est insuffisant pour avoir l'iman, et la définition religieuse, c'est croire et apaiser. C'est pas ça, non. Aujourd'hui, on n'a parlé que de la définition, et barakofik pour la question, comme ça permet à nous tous de clarifier les choses. Aujourd'hui, on a juste vu la définition de l'iman dans le sens linguistique. Et on a dit que même dans le sens linguistique, dire que l'iman, c'est juste à se dire, c'est faux. C'est pas faux, c'est pas assez précis. Quand je vous ai dit c'est faux, moi j'ai pas été précis là. Il y a une différence entre c'est faux et c'est pas assez précis. Ici, le fait de définir l'imen par juste le stas dire, c'est pas précis. C'est pas assez précis. Donc il faut définir l'imen par une notion dans laquelle le stas dire qui va être présent et en plus du stas dire, un acte du cœur qui est l'apaisement, qui est la sécurité. D'accord? Et ici, tu trouves ça dans l'iqrar par exemple. Non, ce qu'on a vu, c'est juste linguistique. C'est juste le sens linguistique. C'est pour ça qu'on a commencé. On a commencé par le sens linguistique pour que après, quand on arrive aux paroles des salaf, on les comprenne mieux. Et quand on arrive aux paroles du Coran, on les comprenne mieux. Et quand on explique l'exemple qu'Allah Azzawajal a donné dans Sourate Ibrahim, on puisse mieux le comprendre aussi. D'accord? Non, iman, c'est pas égal tasdir plus iqrar. L'iqrar, il y a du tasdir déjà dedans. Naam, c'est ça, excuse-moi. Naam. Iman égale tasdir plus iqrar. Mais en vérité, dans l'iqrar, il y a déjà le tasdir. Vous comprenez? Regardez, l'iqrar, c'est le fait d'être apaisé. Tu ne peux pas être apaisé sur une chose quand tu l'as pas cru. Donc en vérité, quand on dit iman, c'est tasdir plus iqrar, voilà, l'iman, c'est l'iqrar. Mais c'est juste pour détailler. D'accord? Parce que dans l'iqrar, si tu as confiance au dire d'une personne, et si tu as pesé sur ses dires, c'est que forcément tu l'as cru. Et comme on a dit, mais tu peux la croire sans être apaisé. Voilà, ta'ala, ala wa alam, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam, wa sallam, barakatuh, salam alaikum.